prends silence, mais moi je sais qu'un jour je finirai par avoir sa peau. Elle se calme et puis me relance à nouveau, mais moi je sais que j'aurai sa peau. C'est vrai, j'ai craché vers le ciel, j'ai maudit, c'est ce manque de veine, oui, ce manque de peau. Viendra le jour où tout ce que je lui laisserai, ce sera la peau sur les os. Elle passe me voir à la nuit tombée. Quand je vois du noir, je lui dis, oh, va te chercher. D'être tombé là, d'être dans cette peau. Un peu comme un mistral qui souffle à l'année. Oui, ça fait froid dans le dos. Elle me joue des tours, il me mène en bas du dos. Ça fait boum boum boum comme une pensée malsaine. Elle finit par bouger, non c'est pas trop tôt. Va te noyer dans la Seine. Elle passe me voir à la nuit tombée. Pour garder mon espoir, je lui dis oh. Mas tu...